je n'abandonne point l'intérêt de ma ville. J'aime encore mon honneur en adorant Camille. Tant qu'a duré la guerre, on m'a vu constamment aussi bon citoyen que véritable amant. D'Albe, avec mon amour, j'accordais la querelle. Je soupirais pour vous en combattant pour elle. Et s'il fallait encore que l'on en vînt au coup, je combattrais pour elle en soupirant pour vous. Oui, malgré les désirs de mon âme charmée, si la guerre durait, je serais dans l'armée. C'est la paix qui chez vous me donne un libre accès. La paix à qui nos feux doivent ce beau succès. La paix est le moyen de croire tel miracle. Camille, pour le moins croyez-en votre rare. Et sachons pleinement par quel heureux effet l'heure d'une bataille a produit cette paix. L'aurait-on jamais cru? Déjà, les deux armées d'une égale chaleur au combat animé se menaçaient les yeux et, marchant fièrement, n'attendaient pour donner que le commandement. Quand notre dictateur, devant les rangs, s'avance, demande à votre prince un moment de silence et, l'ayant obtenu, « Que faisons-nous, Romains ? » dit-il. « Et quel démon nous fait venir aux mains ? Souffrons que la raison éclaire enfin nos âmes. Nous sommes vos voisins, nos filles sont vos femmes. Et l'hymen nous a joint par tant et tant de nœuds qu'il est peu de nos fils qui ne soient vos neveux. Nous ne sommes qu'un sang et qu'un peuple en deux villes. Pourquoi nous déchirer par des guerres civiles où la mort des vaincus affaiblit les vainqueurs et le plus beau triomphe est arrosé de pleurs? Nos ennemis communs attendent avec joie qu'un des partis défaits leur donne l'autre en proie, lassés, demi-rompus, vainqueurs. Mais pour tout fruit, dénués d'un secours par lui-même détruit, ils ont assez longtemps joui de nos divorces. Contre eux, dorénavant, joignons toutes nos forces et noyons dans l'oubli ces petits différends qui, de si bons guerriers, font de mauvais parents. Que si l'ambition de commander aux autres fait marcher aujourd'hui vos troupes et les nôtres, pourvu qu'à moins de sang nous voulions l'apaiser, elle nous unira, loin de nous diviser. Nommons des combattants pour la cause commune. Que chaque peuple au sien attache sa fortune, et suivant ce que d'eux ordonnera le sort, que le faible parti prenne loi du plus fort, mais sans indignité, pour des guerriers si braves, qu'ils deviennent sujets sans devenir esclaves, sans honte, sans tribu, et sans autre rigueur que de suivre en tout lieu les drapeaux du vainqueur. Ainsi nos deux États ne feront qu'un empire. Qu'il semble qu'à ces mots notre discorde expire. Chacun, jetant les yeux dans un rang ennemi, reconnaît un beau-frère, un cousin, un ami. Ils s'étonnent comment leurs mains, de sang avide, volaient sans y penser à tant de parricides, et font paraître un front couvert tout à la fois d'horreur pour la bataille et d'ardeur pour ce choix. Enfin, l'offre s'accepte, et la paix désirée sous ces conditions est aussitôt jurée. Trois combattrons pour tous! Mais pour les mieux choisir, nos chefs ont voulu prendre un peu plus de loisirs. Le vôtre est au Sénat, le nôtre dans sa tente. Oh, Dieu! Que ce discours rend mon âme contente. Dans 2 heures au plus, par un commun accord, le sort de nos guerriers réglera notre sort. Cependant, tout est libre, attendant qu'on les nomme. Rome est dans notre camp, et notre camp dans Rome. D'un et d'autre côté, l'accès étant permis, chacun va renouer avec ses vieux amis. Pour moi, ma passion m'a fait suivre vos frères. Et mes désirs ont eu des succès si prospères au jour, ma promise à demain. Le bonheur sans pareil de vous donner la main. Vous ne deviendrez pas rebelle à sa puissance. Le devoir d'une fille est dans l'obéissance. Venez donc recevoir ce doux commandement qui doit mettre le comble à mon contentement.